nu mama chéri ou a pe fem passe misé on est jamais aimé pitié pour ti papa mais elle le nom des faits que j'aime, dit que moi c'était tigre. Le nom des faits que j'aime, dit que moi c'était tigre. Ay, mama chérie, souviens-nous mes années. Ay, mama chérie, où m'est allé, m'a senti moins délire. M'a senti moins délivré. Senti moins délire.